N'oubliez pas, si le mec se lâche avec vous, qui fait des poussettes sur les gens, souvent qui fait la même sur vous avec les autres. On les connaît ceux-là. Je les appelle les agrippe-couilles. Et pour les petits trous du cul là qui sont contents, comment ça va pas? N'oubliez pas, il est là lui là-haut. Il voit tout. Il crie ton trou avant l'heure ceux-là. Mais il en faut pour éteindre un ovni. C'est comme ça maintenant. Hein? C'est mon mère. Il a tout dit le frérot. Respectez les gens. Parce que les gens ils sont humbles. Humbles et respectueux. Varazaska, Radaska! Ranadaska! Bande de putes. Ne vous inquiétez pas, il remonte la pente. Il part à la pente, il la mange. Plus montrer mes bandes pour la team obligée. C'est pas parce que je dis rien qu'un jour je vais pas corriger. Prochain album, je vais mettre les jaloux au régime. Je fais que du bien, j'ai que des problèmes, je suis pas trop obligé. Aujourd'hui je fais des stades, au début c'était les chichas. Et quand je m'embrouille avec ma mine, j'ai que du Aïcha. Écoute-moi, et quand on crie, je te jure ça me dégoûte moins. Heureusement que t'es là quand y'a des coups de mou et que je bout de moi. J'ai grandi dans la street, là où ça va la mort. Là où ça fait des sous, si t'es faible ça te dévore. Là où quand les flics passent, ça crie des gros niques, t'es mort. Là où tout le monde rêve de changer de vie et de décor. Écorché à vie. J'ai les nerfs à vif, le malheur me fait du pied, mes bancs, je sens que le bonheur arrive. Aujourd'hui j'ai mis les hauts clés pour pas trop qu'on voit mes yeux. Tous les jours je te monte au bon Dieu de mettre en devant les vicieux. La défaite c'est dur, la victoire c'est délicieux. Je représente les jeunes de Marseille à Vénitieux. J'ai connu des mecs sans âme, jamais sans âme. Oui, des mecs qui parlent pas pour rien, qui valent plus que sans hommes. Je viens des zones sensibles, des darons sans sous. Malgré les fous qui nous entourent, y'a des gens sensés. Agatagan, me parle pas d'avant. C'est l'os pour les attaquants, qu'on le calibre dans la boîte à gants. Ça donne des RDV pour te faire un guet-apens. Ça déboule et t'es un coup pas d'aboum. Tu veux un conseil? Fais gaffe à ta bande, ça tient pas sa langue, ça tient pas sa gare. Si c'est pas sympa, ça te passe à ta base. Si tu passes à table, ça s'habille en noir, ça te chasse après avoir bu le pastaga. Ça veut le portier plein des dans la Bentayga. C'est la rue plus la prison de Yugataga. Ça veut le portier plein des dans la Bentayga. C'est la rue plus la prison de Yugataga. Si aujourd'hui on perd demain on gagne, tu connais. Si tiens un classique, t'as jamais compté quand tu donnais. Je suis énervé, la RS elle fait que ronronner. J'écoute du LIM, ça fait de la monnaie comme Dimoné. Je suis perdu mais je garde mes objectifs. Viser la lune, ça c'est en perspective. Là, je suis moins affectif. Quand les flics passent dans les taxes, là j'ai des projectiles. J'ai plus de pecs sans faire le mec, mais je fais des pompes et je fais ma route. Des fois je tombe et je me relève. Moi je viens de l'ombre, c'est la déroute, mais je dis rien. Ça parle mal, on me dira. Je vais niquer le game et me tirer. Bon Dieu s'occupera des tiros. Ça me fait mal et moi je ris. Du trait, je fais pas les géris. Et t'inquiète pas, j'ai cramé le loup dans la bergerie. T'as reconnu? C'est la pouleuse d'or. En paro, j'ai le fusil de chasse près de moi quand je dors. Sur la nuit, j'ai pas de sécurité à côté de moi quand je cours. Je camouflé sur les réseaux, je monte pas trop le décor. J'ai jamais fêté quand j'ai fait des records. Quand tu fais avec le cœur, gros, y a pas de remords. Les centios, ils ont né tranquillou, ils ont frappé seuls en scooter, ils ont niqué les rebords. La route est longue, j'ai dû prendre des mauvais chemins. Heureusement que je compte pas sur les gens, j'ai mes deux coups, j'ai mes deux mains. Quand y'a un bruit, y'a ce qui parle pas qui vend devant. Nous on fait tout aujourd'hui, on reporte pas au lendemain. Mon sang que tu chantes, tu fais mal à la tête. Seul tu es tout gentil devant les gens, tu me rabaisse. Apprends le respect, la loyauté c'est la base. Tu réponds à ta mère, tu fais pas le mac à la thèse. Mon vie trop gentil, c'est bâtard et lâche serre. À dire que j'aurais fait des passes comme Benacer. Je crois en lui là où y'a rien qui arrive au hasard. Je prends quelqu'un des doigts que je suis sorti de laser. Pas le monde, ça te charque pour deux points. Trop d'ennuis, j'ai dû changer de vie de coin. Parano, on se côtoiera de loin. Tous les mois, j'ai un poteau de moins. Faut le vivre pour le croire, on faut le voir pour le vivre. C'est ton sang, mais ça devient lundi quand tu le vires. Tu m'as pas eu de vive voix et tu crois les rumeurs. Mon sang, tu es qu'un bâtard, mon sang, tu es qu'un bâtard. Que tes acquis peu couillés s'accrochent comme des censures. Si tu dis pas où tu m'as vu, c'est que t'es mon censure. Tu renies le label, mais s'il te plaît, n'oublie pas. Rappelle-toi quand je t'ai donné la force et que t'étais sans sous. Je fais pas de miracle. Je te frapper au prochain virage. J'affronte des tempêtes comme un pirate. Je la ferai pas qu'aucune maman Shakira. Mon meilleur ennemi c'était mon pire ami. Là je parle sans filtre comme Aldirami. Niveau épreuve là c'était ma pire année. J'suis pas un franc-maçon, me parle pas de pire marche arrière. Tu peux pas tester l'humain ni la carrière. Mais c'est moi j'suis ailleurs, je vous laisse me haïr. De toute façon j'suis entouré que de vrais warriors. À force d'encaisser j'ai le cœur qui détériore. Bobo à l'intérieur, personne me donne des ordres. Je n'ai pas de supérieur. En indépendance gros, là j'suis sérieux. C'est là c'est pour ceux qui font pas les putes à l'extérieur.